Sí. Let me be in that flow. the flow. This drum does it. Get in the flow. Let in the flow. Cause I'm. Let in the flow. Les gros, quand c'est l'heure de l'apéro, on se rejoint avec les gros. Quand c'est l'heure de l'apéro, on se rejoint avec les gros. Quand c'est l'heure de l'apéro, on se rejoint. On se regarde, on discute. C'est l'heure de l'apéro. Je me sers mon petit pastis sans eau. C'est l'heure de l'apéro, je me sers mon petit pastis, accompagné des gros. L'heure de l'apéro, je me sers mon petit pastis. L'apéro, on se rejoint avec les gros. On vit when there is a time we smoke something. There is a time that we smoke something. When I we